Contes étranges, écrit par Nathaniel Hawthorne, lu par Armen pour audiocité.net. Notice biographique. Le grand écrivain, le penseur original dont nous présentons au public une série de contes qui passent à bon droit pour des chefs-d'œuvre en son genre, était fils d'un capitaine au long cours qui mourut dans un voyage qu'il faisait à la Havane. Hawthorne avait 5 ans lors de cet événement. Il était né le 4 juillet 1804 à Salem, dans le Massachusetts, et son enfance s'écoula paisible dans une ferme voisine du lac Sebago dans l'état du Maine. Il entra d'abord au collège de sa ville natale, puis à celui de Bowdoin, où il eut pour condisciples Wadsworth Longfellow et Franklin Pierce, dont il devait être le biographe. Il termina ses études en 1825. Ses premiers essais, publiés dans des magazines, furent réimprimés en 2 séries, en 1837 et en 1842, sous le titre de Twice Told Tales, conte 2 fois 10, et attirèrent du premier coup l'attention du public sur le jeune et brillant écrivain. En 1828, il obtint un emploi à la douane de Boston, mais il s'en démit en 1841 pour se marier et aller s'établir à Concord, dans une paisible et délicieuse retraite où, livré à ses chères études littéraires, il passa les années les plus heureuses de sa vie. L'admirable recueil de contes intitulé « Moses from an Old Man's » Mousse d'un vieux presbytère est datée de cette oasis du poète. Il la quitta cependant en 1846 pour aller occuper un modeste emploi à Salem où, durant ses instants de loisir, il composa La Lettre Rouge, ce beau roman qui, traduit en français par M. Forgue, obtint chez nous un si grand succès. Il s'agit de La Lettre Écarlate. Peu de mois après, il se retira à Lenox, d'où sont datées 2 productions bien différentes, La Maison aux 7 pignons, roman d'analyse intime, et le roman de Blithedale, satire excessivement fine des doctrines socialistes de Fourier, qu'il avait étudié sur le vif durant quelques mois passés dans le phalanstère de Brook Farm, près de Roxbury, en 1852. Il retourna ensuite dans sa petite maison de Concorde et y publia Une vie de Franklin Pierce pour favoriser l'élection de ce dernier à la présidence. Franklin, une fois élu, témoigna sa reconnaissance à son ami en le nommant au consulat de Liverpool. C'est durant ce séjour en Angleterre qu'il réunit les matériaux du livre qu'il a consacré depuis à la vieille Europe, Our Old Home, notre vieux foyer. Hawthorne abandonna cependant cette importante position pour voyager sur le continent et finalement retourner aux États-Unis où il publia cette œuvre étrangement magnifique qui a pour titre Transformation et dont Vermorel a publié dans la Revue Contemporaine une traduction remarquable en 1859. Ce fut son dernier ouvrage et son dernier succès. Il s'éteignit en 1864 à Plymouth, New Hampshire, dans le cours d'un voyage qu'il faisait pour rétablir sa santé en compagnie de M. Franklin Pierce. Outre les ouvrages que nous venons de citer et qui sont les plus importants, on a de lui l'Image de la neige et autres contes, le journal d'une croisière en Afrique, le livre des merveilles, le fauteuil du grand-papa et les contes de Tanglewood. On a, mais à tort, essayé d'établir un parallèle entre Hawthorne et Edgar Poe, rivaux en gloire, tous deux grands écrivains et profonds analystes. Ils diffèrent essentiellement par le but à atteindre et les procédés dont ils font usage. Nous nous sommes efforcés de mettre dans ce volume les contes qui caractérisent le mieux les différentes manières de notre auteur, et nous en avons élagué d'une main respectueuse, que ce qui semblait trop obscur à des lecteurs français. Quant au style de notre traduction, nous avions à lutter contre un modèle trop parfait pour espérer l'égaler. Notre seule ambition est d'avoir donné de l'original un reflet affaibli, mais qui en reproduit avec fidélité la saveur et le caractère. Edward Spool.